t'affiches dehors, tous de grands sourires. On cherche notre confort, mais les sous sont rares. Regarde vers là-haut et crois car tant que y'a la vie, y'a de l'espoir. Je respire, espère, aspire. Sans wesh l'expert, je m'exprime. Un titre, une maquette, un mal-être, un malaise. Les douleurs dans ma mallette, j'interprète. Deuxième en scred, ma voix t'interpelle. Hausse les décibels pour cette piqûre de rappel. Sans appel, je m'éveille, me lève, essaye. Pour que demain, j'espère mes merveilles. Mais ça dérape, les promesses sont si belles. Et les galères pleuvent, c'est irréel. Regarde, lui et elle, toi et moi, nous et vous. Jeunesse de demain, de la demeure jusqu'au cou. Écoute, le mal, je le recouvre. Les colons, j'en suis sûr, seront de retour. On affiche dehors, tous de grands sourires. On cherche notre confort, mais les sous sont rares. Regarde vers là-haut et crois car tant que y'a la vie, y'a de l'espoir. Je respire, espère, aspire. Sans wesh l'expert, je m'exprime. Loin des classes des as, je fais face au désastre. Un chant qui dévaste quand les as nous dépassent. Et ouais, parfois ça me dépasse. Le moral me lâche, je me lasse. Mais pour faire ma place, je me déplace. Efface mon passé, me libère sans penser avec mon passant. Mots croisés, mon penchant, mots placés. Je sais qu'ensemble la force nous transcende. Se surpasser, y croire dans le subconscient. Telle est ma visée, le message que je vous passe est massé. Là-haut s'empresse tous les anges attendent. Espérer qu'ils nous entendent. On affiche dehors, tous de grands sourires. On cherche notre confort, mais les sous sont rares. Regarde vers là-haut et crois car tant que y'a la vie, y'a de l'espoir. Je respire, espère, aspire. Sans wesh l'expert, je m'exprime. Actif, réactif, non passif, non factice. Notre courage tapisse, habillé, assiste aux dures épreuves de la vie. Ces vices qui nous ternissent, nous abîment et sans cesse insistent. C'est pire parfois qu'un film, on se risque mal de vivre. Il manque sur le gâteau la cerise. Les étoiles ce soir brillent, assis pour ma rime. À genoux pour ma cause, je pose mes prose. Les yeux vers les cieux, ma répartie opère dans tout lieu. S'il te plaît, réalise mes vœux. S'il te plaît, fais que tout se passe pour le mieux. Qu'à l'avenir, la dose de gens soit heureux. On affiche dehors, tous de grands sourires. On cherche notre confort, mais les sous sont rares. Regarde vers là-haut et crois car tant que y'a la vie, y'a de l'espoir. Je respire, espère, aspire. Sans wesh l'expert, je m'exprime. On affiche dehors, tous de grands sourires. On cherche notre confort, mais les sous sont rares. Regarde vers là-haut et crois car tant que y'a la vie, y'a de l'espoir. Je respire, espère, aspire. Sans wesh l'expert, je m'exprime.